إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبفضل الله تعالى وبتوفيقه عز وجل كملنا دراسة كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى مما يجعلنا من هذا اليوم أن نواصل في دراستنا في هذه الكتب الطيبة النافعة المباركة في كتاب كشف الشبهات شرح كشف الشبهات للعلامة محمد ابن عبد الوهاب النجدي بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et le succès qu'il nous a accordé de pouvoir compléter le livre qui était Masail al-Jahiliya de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Najdi avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafizallahu ta'ala, nous poursuivons encore maintenant, comme cela a été convenu, dans l'explication du livre Keshf al-Shubuhat, du même auteur. Cette fois-ci avec l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Rahimallahu ta'ala. كشف الشبهات كشف يكشف كشف كشف المصدر ده du verbe كشف يكشف qui veut dire dévoiler une chose, dissiper une chose à la base qui n'est pas apparente, tu la rends apparente. Ou une chose, par exemple, qui est entourée de choses qui l'empêche de devenir clair, et toi tu l'éclaircis. Wa shubuhat, le shubuhat c'est ma'aluf. Ce sont les ambiguïtés, les choses qui se ressemblent, les choses réciproques. Donc là l'auteur, dans ce livre-là, va mettre plus d'une dizaine de shubuhat données par les mushrikines, et il vise par là les gens de l'islam, les gens qui s'apparentent à l'islam, qui tombent dans le shirk, comme Ibadat al-Kubur, ou Ibadat al-Salihin, ou Tarab al-Shafa'a, ou Ghayr Dhalika min hadhihi al-Umur. Les shubuhat des gens qui s'apparentent à l'islam, qui disent La ilaha illallah, pour démontrer que des actes de shirk qu'ils commettent, cela est semblable à ce que faisaient les mouchriquins auparavant, car eux ne l'admettent pas, ne s'en rendent pas compte. Parmi eux, les ignorants, qui ont besoin d'en apprendre. Et parmi eux, les Mu'anidoun, qui s'obstinent et suivent leur passion, et sur cela s'applique le jugement dû à leurs actes. Donc ce livre serait comme le fait de dire le dévoilement des ambiguïtés. On a Hwazalik. Dévoilement des ambiguïtés. C'est-à-dire ambiguïté présente chez les gens apparentés à l'islam, qui commettent du shirk. Et ce shirk, ils en ont fait une ibada. Ce n'est pas se tomber dans le shirk par inadvertance, ou, yani, sans s'en rendre compte, pour une chose anodine pour eux. Non, c'est une chose qu'ils prennent, et ils en font une adoration pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fabada al-mu'allifu bil basmala. Qala bismillahi rahman ar-rahim. Bien évidemment, comme les autres doulous que nous avons fait, ça va être une lecture du matan avec des parties prises en résumé des paroles de Cheikh Al-Uthaymin. On ne va pas faire du mot à mot, on ne va pas faire du ligne à ligne, ni de paragraphe à paragraphe. On va lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de lire et de traduire, et s'il a besoin de commenter. Ça va être encore un charh mukhtasar. On va résumer l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. Biiznillah ta'ala. Faqala al-mu'allifu bismillahir rahmanir rahim. Donc l'auteur a commencé par la basmala, comme c'est une masala qui est souvent prise, que les auteurs des kutub, les mu'allifoun, commencent par la basmala. Et cela, iqtida'an bi kitabillah, en suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont chaque surat est précédé de la basmala, hormis surat al-bara, yani surat al-tawba. Et après, il y a eu un khilaf dans la basmala, est-ce qu'elle fait partie de la surat ou pas? Et ce sujet a été évoqué dans les doulous de Al-Mabadi al-Mufida. Wa al-qawl as-sahih, c'est que la basmala est à part des versets, c'est-à-dire que la basmala ne fait pas partie de la surat en soi. Hada wa al-qawl ar-rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Après, le site cite quelques règles liées à la grammaire par rapport à la basmala, Anashir al-Faymin. Les sous-entendus, le jar majour, bimazet al-laqan, wa relad al-umur, et ça également dans Al-Mabadi al-Mufida, on l'a cité. Le khurasa, c'est de dire que la basmala, en arabe, bismillah al-Rahman al-Rahim. Ensuite, tu sous-entends l'action que tu commets. Car le jar au majour, là le jar, harf jar c'est bi. Et le majrour c'est le mot ism, bismi. Et en langue arabe, le jar au majrour sont obligés de s'accrocher à quelque chose. Ils ne viennent pas tout seuls. Et généralement, c'est à la base, ils s'accrochent soit à un verbe, ou soit ce qui fait l'action d'un verbe. Il y a des noms en arabe qui agissent comme le verbe, qui ont les mêmes fonctions qu'un verbe. Ce n'est pas tous. Ça, après, ça rentre dans les kutub de Nahou, dans les kutub de Sarf. Al-Muhim, savoir que le jar majour, bismillah, faut accrocher à quelque chose qui n'est pas présent dans la basmala, en apparent. Donc c'est un takdir, un sous-entendu. Et le sous-entendu, c'est un verbe. Ça aurait pu être un nom qui remplit la fonction du verbe. Mais les ulama ont fait précéder le verbe, car la base dans les actions, ce sont les verbes. Yani, qu'en fait, la basmala, le jar majour, sont accrochés au verbe de l'action que tu comptes faire. Mathalan, si tu comptes dormir, bismillahi anam. Si tu comptes écrire, bismillahi aktub. C'est-à-dire, la chose que tu fais, tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. La chose n'est pas prononcée, mais dans ton cœur, tu en mets la niya. Donc la basmala, tadullu ala l'irtisan. Dans l'action que tu fais, que tu fais l'irtisan, c'est-à-dire que tu recherches la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu fais. Et elle est liée à l'action que tu comptes faire dans ton cœur. Donc là, les mu'allifoun, quand ils font bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en écrivant leur livre, c'est quoi le takdir? C'est aktoub. Car ils l'ont fait pour leur livre. Quand ils font un ders et qu'ils commencent par la basmala, c'est quoi le takdir? C'est soit akra, c'est-à-dire je lis le livre, ou udarris, où j'enseigne. Amma hadha lillah. Et pour ceux qui n'ont pas compris, inshallah, la masala, la sahla, ce n'est pas vraiment lié au ders en soi. C'est une fa'ida kharije an el mawdu. Mais important à savoir, car dans tous les kutub, yani, cela aide à éclaircir pourquoi la basmala a été dite, quel est son sens. Et celui qui n'a pas compris ici comprendra dans un autre vers, inshallah ta'ala, ou quand il aura plus de connaissances en langue arabe. En français, ça peut paraître compliqué, mais en arabe, alhamdoulilah, c'est facile à comprendre. Donc là, il reprend en disant, dans la basmala, bismillahi, que Allah, on appelle ça l'ordre de Jalala, comme vous le savez, huwa ismun min asma'illah al-mukhtassa billah. C'est un des noms d'Allah qui lui sont propres. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de nommer une créature par ce nom. Wallah Jalala, Allah wal ismul a'zam, c'est le plus grand de ces noms, le plus sublime de ces noms. Également Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est aussi parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il m'arrive sabaq al-lisan dans d'autres durus, ou peut-être il m'arrive de dire prénom. Et ça, c'est une erreur. En réalité, il faut dire nom. Donc toutes les fois où dans les deux lous vous aurez entendu le mot vous m'aurez entendu dire prénom, Sachez que c'est une erreur et c'est un sabak al-lisan. C'est par l'habitude. Car nous, pour la créature, on appelle ça un prénom. Mais un prénom, à la base, le mot prêt, c'est pour une chose qui est précédée par autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas son cas. Donc c'est une erreur d'inattention. Donc je m'en excuse auprès de ceux qui écoutaient Dolos. Et non pas un irtikal, ce n'est pas une croyance que j'ai, sûrement pas. C'est un sabak al-lisan et à cause de l'habitude. Les choses qui qu'on est habitué à prononcer en fait. Donc en vrai, il faut dire nom et non pas prénom. Donc Ar-Rahman également, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont propres qu'à lui. On ne peut nommer une créature par Ar-Rahman. Wa ma'na Ar-Rahman al-muttasif bil rahma al-wasi'a. C'est celui qui est décrit comme ayant la très large miséricorde. Et la règle qu'on avait prise dans Al-Mabadi Mufida, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des A'lam et des Awsaf. Ce sont des noms propres. Et également, l'attribut qui en découle est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masalan Ar-Rahman, on en déduit l'attribut de Ar-Rahma, de la miséricorde. Donc ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala et même pour son messager, sont des choses qui sont de leur droit, contrairement à la créature. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prénom, c'est un nom, qui veut dire le très loué. Chose qui est réelle, qui s'applique vraiment au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son nom, et en même temps c'est son attribut. Il est décrit par cela. C'est une description. Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire l'ilah, yani l'ma'boud, l'adoré. Ar-Rahman, la traduction du sens de son nom serait le très miséricordieux, comme cela vient dans les kutub. Et demain, quelqu'un s'appellerait Masalan Saleh, Saleh qui veut dire une personne qui est pieuse, qui est droite. C'est son prénom, c'est un alam, ça s'appelle un alam. Est-ce que cela implique que la personne est vraiment Saleh? Non, c'est juste un prénom pour la créature. Ama Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, eux, ce sont des noms et également des descriptifs, des attributs que l'on déduit du sens de ce nom. Thumma qala ba'da Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appliquent également sur la créature. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrit son messager comme étant Ar-Rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Après savoir quand pouvoir appliquer sur la créature et quand cela est interdit, cela c'est un autre ders qui viendra inshallah peut-être dans Al-Qawaid al-Muthla masalan ou dans l'Umma'at al-Irtiqad. Et le frère Mounir inshallah, il a fait ses durus sur le site. Hafidh Allah ta'ala. Donc Ar-Rahim ma'nahu dhu ar-rahma al-wasila. Celui qui a la miséricorde qui en continue. Et Ar-Rahman dhu ar-rahma al-wasi'a. Et celui qui a la miséricorde qui est large. Très large. Et lorsque les deux sont liés ensemble, comme le dit Cheikh Othaymin, al-murabi ar-rahim al-muwassil rahmatah ila man sha'a min al-ibadi. Lorsqu'on dit ar-rahim, à ce moment-là, c'est celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut. Ar-rahman, lui, reste dans son sens. فقال بعض هذا المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انا توحيد الله وافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. Donc là dans le matn, l'auteur il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Naam. Donc vous le savez que souvent l'auteur dans son style d'écriture, dans beaucoup de ses kutub, on voit de lui cette façon de faire qui est de dire I'lam rahimakallah. Il vient avec une formule de douceur et de compassion envers l'étudiant. Il fait un doa pour lui. Et il le prend avec un sloub par lequel il attire son attention pour lui faire comprendre l'importance de ce qu'il va suivre comme parole. Par rapport à ça, le shir a expliqué le sens de I'lam. Cheikh Othaymin, I'lam. Hada, I'lam, c'est le fir amr من الفعل علم يعلم علما. C'est l'impératif du verbe alima, qui veut dire savoir. Et ilm, c'est son masdar, ce qui est traduit par science. De alima, ya'lamu. Huwa idraku ash-shay 'ala ma huwa 'alayhi idrakan jaziman. C'est-à-dire le fait de cerner une chose d'un discernement total. La chose, tu l'as cernée sous sa vraie réalité. Hadha huwa al-ilm. Donc après que l'auteur ait cité les maratibs de al-ilm, il dit قوله إن توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Que le توحيد c'est l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration. قال التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل شيء واحدا. Donc c'est le مصدر توحيد du verbe وحد يوحد. Tout verbe qui vient à la wazn fa'ala, sous la forme de fa'ala, patron fa'ala, son masdar vient sous la forme de taf'il. Ça fait tawhid. Et ce tawhid, c'est le fait de rendre une chose unique, d'unifier une chose. Et cela ne peut avoir lieu qu'avec une négation et une affirmation. C'est-à-dire que tu unifies une chose et tu renies ce qui n'en fait pas partie. Ce qui inclut que si jamais tu as unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, tu ne peux adorer autre que lui. Si tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré, que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul méritant d'être adoré, tu ne peux adorer autre que lui. Tu peux ni lui accorder de sharik, d'associé. Ou le shirk, comme ta'alifoun, ou al-zid al-tawhid. C'est l'opposé du tawhid et c'est le plus grand des péchés. Dans le stilaire, la terminologie de la législation, At-Tawhid, c'est ce que l'auteur spontané a cité en disant Huwa ifradullahi bil ibada. C'est l'unicité d'Allah spontané dans l'adoration. C'est-à-dire que tu n'adores Allah seul, sans rien lui associer. Et tu fais cela, tu l'adores par amour envers lui. Et ta'ziman lahu. Rahbatan wa rahba. Par convoitise et par frayeur également. Et là, le tawhid cité par l'auteur dans le livre, c'est le tawhid à la wajh al-am, général. Wa illa qad jaa ta'lifun akhar akhas kama dhakara Cheikh al-Uthaymeen. Notre définition était citée, qui est ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bih. Et c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est spécifique. Car dans le premier tawhid, l'ibada, ça c'est le tawhid pour lequel sont venus les messagers. Mais le tawhid est plus large que cela. Il inclut tawhid, comme vous le savez, rububiyya, qui est le fait de reconnaître que Allah est le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul qui donne la vie, le seul qui donne la mort, le seul qui a le contrôle de toutes choses. Et ça, les mushrikoun, ils le reconnaissaient. On a tawhid. Elle est aussi fat. Que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs qui lui sont propres, qui ne peuvent être trouvés chez la créature. Et même s'ils le sont verbalement, et même s'ils le trouvent dans la créature, ils sont différents. Si certains sont prononcés chez la créature, leur réalité est différente de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme encore l'état Allah, laissa ka misli shay. Il n'y a rien qui est comme lui. Wassamiyo al-basir. Et là, le tawhid décrit par l'auteur, c'est celui-ci. Tawhid al-ibada. C'est le fait de n'adorer Allah seul. De n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce tawhid pour lequel ont été envoyés les messagers, sur lequel il y a eu la divergence avec les peuples. Et celle qui est la limite aujourd'hui principale entre les muslimines et les kuffars. Entre les mu'minines et les kuffars. Entre les muwahidines et les mushrikines. C'est tawhid al-ibada. C'est là-dessus qu'il y a la grande divergence entre nous et eux. Principalement, maintenant, des koufars ont été atteints par le shirk dans la rububiyya, dans le shirk dans l'asma wa sifat. Mais le principal, c'est celui-là. Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Et c'est autour de ce tawhid-là que le shir va débattre dans ce livre, par rapport aux shubuhat que donnent les gens qui s'apparentent à l'islam pour pouvoir défendre le shirk dans lequel ils sont tombés. Wali'az billah. Voilà, c'était la muqaddima aujourd'hui, dans ce livre. Et par la suite, on va poursuivre au fur et à mesure, en prenant des doulous, inchallah, résumés et courts, si possible. Naam. Fabiadal qadr naktafi. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.